Il y a des inattendus dans les sciences, de la science surprenante, mais de la science avant tout, et on en parle chaque dimanche matin avec Fabienne Chauvière. Et bonjour oui, Fabienne. Bonjour Pierre. On sait enfin comment volaient les dinosaures. Eh oui, comme les poules. Une équipe de chercheurs européens vient de trancher un vieux débat concernant le vol pratiqué par l'Archéoptérix. Un peu reptiles, ils avaient des dents, un peu oiseaux, ils étaient couverts de plumes. Les Archéoptérix ont fait sensation quand les premiers fossiles ont été découverts en 1860. Mais comment volaient-ils ? Battre des ailes demande beaucoup d'énergie et est réservé aux animaux à sang chaud. Des os ont été examinés au synchrotron de Grenoble. Les données obtenues ont été comparées à celles de 55 oiseaux modernes. Conclusion, les archéoptérix pratiquaient le vol battu, mais sans doute brièvement et sur de courtes distances, comme les poules donc. Fabienne Chauvière, on dit que les selfies grossissent le nez. Et que les mensonges font rougir le nez. Pinocchio ! Notre nez ne double pas de volume à chaque mensonge, même s'il a tendance à gonfler quand on ne dit pas la vérité. C'est ce que l'on appelle l'effet Pinocchio, qui a été démontré il y a quelques années par des chercheurs espagnols. Plus récemment, il a été découvert que la forme de notre nez est liée au climat. La largeur des narines dépend des températures auxquelles nous sommes exposés. Aujourd'hui, il paraît que de plus en plus de gens se plaignent auprès de chirurgiens de leur gros nez. Une très sérieuse étude a été menée par des médecins américains. Ils ont découvert que la plupart des smartphones sont équipés d'objectifs grand angle. Placé près du visage, le smartphone élargit le nez de 30%. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je, c'est un cap, c'est une péninsule. Cyrano de Bergerac. Fabienne, le cerveau, élément essentiel, il vaut mieux avoir un petit cerveau. Si on veut survivre dans ce monde, oui. D'après un chercheur de Stanford qui vient de publier ses travaux, les mammifères à gros cerveau sont plus menacés d'extinction. Le chercheur a regardé la taille du cerveau de centaines de mammifères, l'a comparé à celle de l'animal, puis a regardé la liste des animaux menacés d'extinction. Eh bien, les animaux qui ont, par rapport à leur taille, un gros cerveau, sont plus menacés d'extinction et cela concernerait surtout les petits mammifères. Vous savez que la faune connaît une sixième crise d'extinction à cause des activités humaines. Les stratégies de conservation devraient donc cibler en particulier les espèces de petite taille à risque. Chez les fourmis d'Afrique Matabélé, quand sonne l'heure de la guerre, certains soldats se blessent. Oui, et des infirmières ramènent alors les invalides à l'abri pour panser leurs blessures. C'est la première fois qu'un tel comportement vis-à-vis de congénères blessés est observé chez les invertébrés. Dans le sud du Sahara, les fourmis partent chasser le termite. Et lorsqu'une fourmi se retrouve blessée au combat, souvent piétinée lors de l'assaut, celle-ci appelle à l'aide en sécrétant des substances chimiques. Certaines fourmis ramènent alors les invalides à l'abri pour leur permettre de panser leurs blessures. En général, le traitement consiste à lécher les blessures. Ces minuscules coups de langue permettent de sauver des milliers de vies. D'après les observations des spécialistes des fourmis de l'université de Würzburg en Allemagne, environ 90% des fourmis blessées récupèrent alors après le traitement. Les inattendus de la science avec Fabienne Chauvière. Merci Fabienne. C'est à réécouter sur franceinter.fr.